Chapitre 3e, la popote at home. Lorsqu'on ne vit pas en famille, l'usage est de se grouper entre amis et d'occuper en commun une des gentilles maisons saïgonaises. Cette association porte le nom peu prétentieux de popote. Le but de la popote est de donner à ses membres le plaisir de vivre avec des amis, des camarades, qu'on a le temps de bien choisir, et l'agrément d'une table moins fastidieuse que ne le devient la longue celle des meilleurs hôtels. C'est la solution du problème de la vie agréable et à bon marché. L'organisation d'une popote est fort simple. On se procure chez les marchands chinois ou à l'auction les objets mobiliers indispensables à ce genre de coopération, buffet, table, assiette, etc. Une place d'honneur est réservée aux immenses verres d'un demi-litre aptes à recevoir les blocs de glace dont on abuse trop souvent. Il est vrai que les médecins de la ville, pour boire frais à leur aise, prétendent que la glace est le meilleur des digestifs. Chaque associé prend à son tour la direction de la popote avec le titre officiel de chef de gamelle. Ce fonctionnaire de l'ordre privé remplit le rôle minutieux de la bonne ménagère. Il traite avec le cuisinier et exerce sur le personnel servant, l'office et la cave, une surveillance étroite d'Argus aux 100 yeux. Ce n'est pas trop. Si le chef de gamelle est débrouillard, on a vite fait d'oublier les meilleurs menus du monde. Bien à l'aise, dans une case confortablement installée, sous le pancake qui évente doucement les popotiers, sont toutes aux douceurs de la bonne chair. Depuis les Romains reculés jusqu'au gourmand Moncelet, les fervents du palais ont décrit à la pierre blanche au seuil de leur salle à manger la contrepartie de la maxime de l'avare. Aux colonies, plus encore, il faut manger bien et bon pour se bien porter, et se bien porter pour vivre heureux. Le bonheur ne consiste-t-il pas, en grande partie, à avoir assez de santé pour jouir de sa fortune, et assez de fortune pour jouir de sa santé? À la popote, les invitations sont faciles, partant fréquentes. On met tout simplement un couvert de plus. Le menu est toujours suffisamment copieux et soigné pour qu'un convive soit le bienvenu et le bien reçu. À l'hôtel, dame, il faut calculer et adapter ses idées de relations et de bonne camaraderie de table à la largeur de sa bourse. On mange fort bien à Saïgon. Les cuisiniers sont presque des artistes, très épris de leur art. Ils préparent les mets avec plaisir et avec une lenteur de bon augure. Ils excellent dans la pâtisserie. Il est impossible de feuilleter la pâte plus légèrement. Dans quelques cuisines, le chinois est préféré à l'anamite. Question de pittoresque à part, et encore, le chinois anamite est-il tout aussi décoratif que la queue chinoise, et l'indigène ne le cède pas en habileté, en soin et en propreté, quoi qu'on en dise, au cuisinier du céleste empire. Il est écrit dans le guide de la bonne cuisinière bourgeoise de Saïgon: « Voulez-vous recevoir particulièrement bien votre hôte, ne manquez pas de lui servir un gigot. » Un gigot est une pièce de luxe en Cochinchine. Le mouton, fort rare, est généralement mauvais. Un bon gigot de bon mouton est donc plus rare encore. Dans les provinces de l'intérieur du pays, dans des centres importants, on ne détaille pas cette précieuse chair, et j'ai connu des gourmets réduits à s'offrir un mouton complet venu de très loin à grands frais pour satisfaire le ruineux envie de voir un gigot doré mijotant à la bretonne. Si l'on veut vraiment sacrifier à la mode saïgonaise, il est indispensable, dans un dîner de gala, d'offrir à ses hôtes de simples artichauts, bien étiques, bien ratatinés, venus d'Europe dans les glacières des paquebots. Ce fruit potager, qui passe presque inaperçu en Occident, éveille sur le palais de nos colons des crises de gourmandise. Il a toujours été impossible aux plus habiles agents de culture, et ses estimables fonctionnaires sont en nombre, d'acclimater le moindre artichaut. Naturellement, l'attrait du fruit défendu aux petites bourses fait prendre d'assaut à chaque courrier de France de nombreuses douzaines de ces pauvres légumes condamnés à la déportation. Le melon, les poires, les cerises sont encore mets délicats et de grande table. Ils arrivent en assez parfait état dans des boîtes hermétiquement closes. La pâtisserie, les glaces, les sorbets sont articles communs. Les cuisiniers les plus ordinaires s'avlit à merveille avec le lait conservé de délicieuses crèmes. Le lait naturel est rare, cher et mauvais. Le champagne est de la moindre fête et remplace tous les vins fins ou vieux, trop rapidement disqualifiés par la chaleur des tropiques. Et puis ce pétillement est encore un peu de la gaieté française qui ne s'exporte guère. Les gentilles cases, coquettement plantées au milieu de jardins toujours verts, retiennent facilement ce que le monde et ses plaisirs tentent peu. On est si bien chez soi, sur la chaise longue familière, vers le soir quand, au coucher du soleil, les fleurs et les plantes expirent leur parfum. Les uns sucent méthodiquement le cocktail à leur chalumeau d'argent, ou sirotent à petits coups l'absinthe glacée. D'autres font de la peinture, de la musique, persuadés que cultiver un art est le meilleur moyen pour s'isoler du monde. C'est aussi, il est vrai, le meilleur pour s'y rattacher. Beaucoup s'essayent à la photographie. Ce passe-temps, devenu banal dans la vieille Europe, offre ici d'intéressantes distractions et conserve de pittoresques souvenirs.